Le ciel pour la Saint en raison de l'activité physique state action. Vous voyez devenir hot et gadoler, ou vous ne serez jamais grand mesure de satisfaire avec votre forme physique objectifs. En plus pour chi capacité mentale de fin transfert vous pouvez obtenir certains de la ressources, tels que le smartwatch, good vraiment vous aider mettre en place un programme d'exercice et rester ensemble avec chi programme. Pour trouver l'absolue la qualité de l'essence entraînement ou de l'exercice, alors choisir un smartwatch qui suit de la fréquence cardiaque. Considérant de votre niveau de remise en forme et l'qui, votre propre rythme cardiaque peut être un excellent moyen de monitorer la qualité de votre essence d'entraînement.